Salut, salut, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, une émission dédiée au grand chanteur de Banco del Mutuo Soccorso, le groupe phare du progressif symphonique italien, à donc Francesco Di Giacomo. Francesco Di Giacomo nous a quittés en 2014 et nous avions à cœur de vous passer le meilleur à notre sens de sa carrière au sein de cette formation mythique du rock symphonique italien. On démarre tout de suite avec un extrait de leur premier album intitulé tout simplement Banco ou Banco del Mutuo Soccorso qui date de 72, qui a été d'ailleurs repris en 91. Deux morceaux tout de suite. Thank you. appeso al cielo, sugli occhi c'è il sole nel petto. La même année, en 1972, le groupe, originaire, je le rappelle, de Rome, enregistre un deuxième album mythique, phare, intitulé Darwin, qui sera lui aussi repris en 91 avec un autre mixage. Un large morceau de cet album de 72. Fuggiresti via e via. tanto lunghi in terra, l'argilla rossa mi nasconde il viso, ma vorrei per un momento stringerti a me qui sul mio petto, ma non posso, fuggiresti, fuggiresti via da me. 73 voit la parution de cet album intitulé « Yo sono nato libero ».« Yo sono nato libero », »,« Je suis né libre ». Un extrait de cet album de 73. Svegliate, ve ne prego, ma lasciate che io dorma questo sonno. Sia tranquillo, poter russare da ubriaco. Perché volete disturbarmi se io forse sto sognando un viaggio alato sopra un carro senza ruote, trascinato dai cavalli del maestrale, del maestrale. En 1975, à l'instar de PFM, nos amis de Rome signent sur le label Manticore, le label de Demerson, Lake and Palmer. Ils signent une compilation intitulée Banco avec un inédit, et c'est cet inédit que je vous propose, l'Albero del Pane. C'est le seul inédit qui est chanté en italien puisque tout le reste est repris dans la langue de Shakespeare. vicino, vicino a me. Io voglio l'année suivante, nos amis s'essayent un album concept intitulé Come in un ultima cena, comme dans un dernier repas, allusion biblique, qui sera lui aussi adapté en anglais sous le titre As in a Last Supper. Cela sort en 76, à la fois en Italie et sur le label Manticore. With you, but maybe I was wrong. You took a

deuxième extrait. All'entusiasmo cresciuto per strada, quasi un dovere giocarsi tutto in un colpo solo. E mi sentivo tanto geniale, come un'idea che non puoi fermare. E mi viene da pensare a quante volte ho scritto canzoni con la mano piena di rabbia e di convinzioni. E l'impossibile era normale, come un'idea che non puoi cambiare. E mi viene da pensare a questo vento di primavera, fiore selvaggio che cresce tra i sassi, è come un'idea che non puoi fermare, che non puoi, non vuoi fermare. Forse soltanto un'idea che nasce male, forse un'idea che cresce male, ma la primavera è inesorabile. Voilà pour notre hommage à Francesco di Giacomo de Banco et nous allons passer maintenant à quelques nouveautés. Un seigneur tout honneur, votre humble serviteur, a retrouvé dans ses tiroirs, dans ses archives, un morceau live enregistré à Barcelone en 2008. Ce morceau s'intitule Bitterness. C'est une vidéo et je vous propose tout de suite la version audio. Sometimes, out of the swell, emerge several calls, or even helpless hands, quickly drowned by the crowd. Alone in a fortress, I like to forget a biting coldness which grows in my heart. Exile in my cell, dreaming of Eden, I like to be a seagull and fly from day's dawn, curled up in a veil, hidden in a heart. I could yet forget a sea so thin. Float like a bird, float, gather notes with a smile. Fly me away, fly, fall, my beloved. Voici maintenant la version enregistrée en 2019 par Pascal Indelicato, le compositeur de ce morceau, au sein d'une nouvelle formation intitulée Indel, dans un album intitulé Bitterness. Bitterness en deux parties. Thank you. Nos amis d'Esoteric Records, qui d'ailleurs ont réédité les deux albums Banco que vous avez pu entendre, je veux parler de ceux chantés en anglais, eh bien viennent de rééditer un luxueux coffret de ce groupe planant folk intitulé Jade Warrior. Jade Warrior, je vous propose un extrait de Way of the Sun de 78. Thank you. J'ai eu le plaisir, l'honneur et l'avantage d'être interviewé par le journal numérique actu.fr, notamment pour ma passion pour Pink Floyd à l'occasion des 50 ans de Dark Side of the Moon. Je ne pouvais ne pas vous passer un morceau de cet album mythique. Voici Any Color You Like, et c'est à vous de choisir. Continuons avec cette formation suédoise intitulée Molsom et un album tout juste sorti qui s'intitule lui Kino. Voici donc Molsom. Thank you. Voici maintenant un album très touchant d'un groupe français, Unconstant Motion. L'album s'intitule Solstice. Il y figurait notamment un musicien de JPL et de Wolfspring. Je veux parler de Ludovic Moreau, le batteur, qui malheureusement ne pourra pas voir la sortie de son album. Eh bien, cet album, je vous propose un large extrait. Tout de suite, Unconstant Motion. Thank you.